à tous les nerfs, à tous les nerfs, à tous les nerfs, à tous les nerfs, à tous les nerfs, à descendre, descendre, descendre, descendre, descendre, descendre, décaler ma, décaler oui, à n'engager non ouais, à n'engager non ouais, à n'engager non ouais, à n'engager non ouais, à n'engager non ouais, à n'engager non ouais, à n'engager non ouais, à n'engager, descendre, descendre, descendre, descendre, décaler ma, décaler oui, à n'engager non ouais, à n'engager non ouais, à n'engager non ouais, à n'engager non ouais, à n'engager non ouais, à n'engager non ouais, à n'engager non ouais, à n'engager. Docteur Kwaku, docteur Viera, c'est bon. Razak Ramazani, Axel Patrice, Innocent Cacao. Oh maman Flo, le big Sanogo, oh Serge Beno, yeah. L'ange poitine, nini nini nini nini nini. Maman Kadidjo, la marraine, Dieu t'a tout donné. Oh mon Dieu. Je suis Serge Beno, l'arrangeur trois fois pointé. Ça se toujours là tout. Ça me fatigue trop. Je ne reste pas, c'est pas. Depuis manager, président de Banane, la fortune. Freddy et la famille en coup. DJ Benji. Eli Koubi. Yakou Mo, la DJ. Héritier DJ. Fabrice Denondo. C'est toi le number one. Etienne Chené, Chené, oh Chené, lélélé. DJ Mano Parker. José le Portugais. Président Molokai Watch Club. Kamaga, Mbwaka, eh. Yeah. Kamaga, Mbwaka, eh. Procureur Zéba. Kamala, Sultani Souleymane.